The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Congratulations. La félicitation. Destination. La destination. England. L'Angleterre. London. Londres. La traversée. The English Channel. La Manche. Eurostar. L'Eurostar. The River Thames. La Tamise. Tour. La visite. To lodge. Loger. Honeymoon suite. La suite nuptiale. Single. Célibataire. Now, a bit faster. Honeymoon suite. La suite nuptiale. Congratulations. La félicitation. The River Thames. La Tamise. Single. Célibataire. The River Thames. La Tamise. Honeymoon suite. La suite nuptiale. Tour. La visite. The English Channel. La Manche. London. Londres. Honeymoon suite. La suite nuptiale. To lodge. Loger. Honeymoon suite. La suite nuptiale. The River Thames. La Tamise. The English Channel. La Manche. Eurostar. L'Eurostar. Tour. La visite. England. L'Angleterre. To lodge. Loger. Destination. La destination. Eurostar. L'Eurostar. Honeymoon suite. La suite nuptiale. Tour. La visite. Eurostar. L'Eurostar. England. L'Angleterre. Eurostar. L'Eurostar. To lodge. Loger. Now, use the words in context. La traversée. A crossing of the English Channel lasts 2 hours. La traversée de la Manche dure 2 heures. Loger. Where will you be staying? Où serez-vous logé? Célibataire. I am single. Je suis célibataire. La traversée. A crossing of the English Channel lasts 2 hours. La traversée de la Manche dure 2 heures. Loger. Where will you be staying? Où serez-vous logé? Célibataire. I am single. Je suis célibataire.